Ça faisait bien longtemps que j'avais pas trouvé le Grand Prix de Chine aussi palpitant et intéressant, non dénué de tout drama, avec quelques tensions dans le peloton et avec un peloton globalement assez regroupé pour proposer quelque chose d'assez tendu, avec suffisamment de dirty air pour rendre la tâche du dépassement relativement difficile, mais sans non plus être trop intense pour empêcher les pilotes de réellement se suivre. Un asphalte resurfacé, une piste plus abrasive que prévu et des stratégies qui ont grandement fait les résultats de ce dimanche. Les résultats qu'on va passer en revue après les trois disqualifications. Oscar Piastri l'emporte toujours devant Lando Norris, premier doublé McLaren de la saison, alors que George Russell signe un triplé Mercedes sur le podium. Verstappen est quatrième devant Esteban Ocon, Andrea Kimi Antonelli est sixième, Alexander Albon est remonté en septième place, Oliver Berman est huitième, faisant de ce double résultat de Haas leur meilleur depuis 2022, Lance Stroll remonte en neuvième place et Carlos Sainz inscrit ses premiers points pour Williams Mercedes. Fernando Alonso a été notre seul abandon du jour avec un problème de frein dès le début de course, et pour parler des stratégies, on parlait d'une course à deux arrêts, finalement on s'est rendu compte dès les premiers tours que ça pourrait être une stratégie finalement à un seul arrêt, du moins aux avant-postes. Si l'usure pneumatique était importante, il y avait tout de même toujours des difficultés pour réellement se suivre, car si l'usure pneumatique était importante, elle l'était moins que prévu plus tôt pendant le week-end grâce à des températures plus froides pendant la course, et surtout on s'est rendu compte qu'il serait difficile de dépasser pendant la course, puisque même en remontant, il allait être plus compliqué de rattraper le pilote de devant à cause des effets du méchant dirty air. Néanmoins, tout le monde a commencé avec des pneus médiums, les exceptions étant Oliver Mann et Lance Stroll ainsi que Liam Lawson, avant de basculer du coup sur des pneus durs. Hamilton est le seul pilote aux avant-postes à avoir fait un second arrêt, mais un second arrêt qui a été plus ou moins forcé puisqu'il avait du mal à trouver le rythme en course et pour essayer de porter la main aux autres devant pour essayer quelque chose. Quand on redescend dans le peloton, et bien finalement c'est chez Racing Bulls qu'on a trouvé que la stratégie à deux arrêts n'était vraiment pas la voie à suivre, puisqu'on a perdu deux places potentiellement dans le top 10. On voit que sur les vitesses maximales, ce sont les Ferrari et les Mercedes qui se sont particulièrement distingués, avec d'un côté des réglages aérodynamiques favorisant les longues lignes droites, et d'un autre côté, une Mercedes qui avait une excellente traction qui l'a rendue particulièrement difficile à suivre dans la longue ligne droite, puisqu'elle fait suite à cet escargot un petit peu technique dans lequel justement Leclerc notamment avait du mal à suivre Russell pendant une bonne partie de la course. C'est ce qui a fait justement les difficultés pour le pilote Ferrari de dépasser ou ne serait-ce que de rattraper Russell dans cette section-là malgré un meilleur rythme sur cette partie de la course dont il est fait question. On note au passage des vitesses moyennes assez médiocres pour les Alpines et un petit peu meilleures mais pas énormément pour les Kicksauber de manière générale. Et on va rester sur les graphiques pour vous laisser admirer les nouveaux formules Blabla Team Ideal Championship Generator 2001.5 by Strigon qui vont nous accompagner pour le reste de l'année. Sans grande surprise, on constate que les deux pilotes McLaren ont été très proches globalement en termes de rythme, même si on note que sur le début du Grand Prix, Norris était un petit peu en retrait, ce qui s'explique très simplement par le fait qu'il a essayé de garder une distance assez honorable derrière Piastri pour justement éviter de trop endommager ses pneumatiques. Quelque chose qu'il avait justement fait pendant le sprint et qui lui a coûté assez cher. Mais ensuite, en fin de course et sur le reste du Grand Prix, il s'est plutôt rapproché. Et lorsque, en fin de course, il a commencé à vouloir attaquer, il a rencontré des problèmes de frein. Et il a été contraint justement de revoir ses ambitions à la baisse et de finalement devoir protéger sa position face à un Russell qui était en train de revenir. Premier week-end où Oscar Piastri s'est montré comme le favori du début à la fin avec un superbe tour de qualification sur lequel on est revenu dans Popol, que je vous invite à retrouver sur Blub Life 1 VOD, et un tour de qualification beaucoup plus brouillon pour Lando Norris, qui a eu du mal ce week-end à aligner les trois secteurs, même si pendant le Grand Prix, il était un petit peu plus en confiance. Et je reviens un petit peu dessus parce que j'ai oublié de le mentionner. Quelque chose qui est un petit peu nul aussi au milieu de course de Norris, ou du moins le premier tiers de course, et lorsqu'il est sorti des stands, il avait perdu la position face à Russell, se retrouvant dans une mêlée avec un pauvre Lance Stroll qui s'est retrouvé là sans rien demander à personne. Et pour le reste, blablabla, lutte mondiale, blablabla, faut pas se faire la moindre erreur, blablabla, ah oui, mais il faut que je me montre parce que je suis pas le numéro 2, blablabla, blablabla. Continuons ensuite avec les Mercedes. Russell continue de faire exactement ce qu'on attend de lui en tant que nouveau meneur de l'écurie, avec une qualification et un Grand Prix très solide. Encore une fois, comme en Australie, on pouvait pas en attendre beaucoup plus de lui, et il a fait l'absolu maximum, tirant même un tour de qualification vraiment magistral que je vous invite à regarder si vous en avez l'occasion. Malheureusement, il aura bien pu essayer de défendre deux fois face à Norris, mais c'était inutile tant la McLaren avait un avantage assez net face au reste de la concurrence. Mais on voit que dans la Mercedes, il n'y a pas non plus de quoi en rester en reste, puisqu'Andrea Kimi Antonelli a pu profiter d'avoir enfin un week-end à peu près normal. Hein. Je dis à peu près parce que c'est un format sprint, où il a pu passer en Q3 normalement, faire une course normale, sans grand drama pendant ce Grand Prix. On a pu voir que, malgré quelques erreurs sur un tour, il était relativement dans le rythme, et de même pendant la course, même si quand on regarde les deux différents diagrammes, on voit une très nette différence, qui peut facilement s'expliquer par un manque d'expérience, mais aussi par le fait que le jeune pilote italien s'est retrouvé dans le peloton à lutter contre des Ocon et des Tsunoda quand même un petit peu plus expérimentés et dans des machines qui n'étaient pas non plus très très loin. Mais si on compare les deux meilleurs tours, on voit 2 dixièmes d'écart et globalement une régularité assez sympathique qui promet beaucoup de choses pour les prochaines manches. Et je tiens à le souligner car justement dans quelques instants on va voir un exemple de temps autour qui semble pas probant sur le papier mais qu'on peut facilement excuser dans le cas d'Antonelli et pas dans celui qu'on va voir, c'est que le pilote italien a effectué une 40aine de tours sur des pneus durs dans le peloton, une tâche des plus ardues tout de même pour un jeune pilote avec très peu d'expérience. Car de son côté, Liam Lawson n'est pas étranger au fait de tenir une 50aine de tours, ou du moins l'équivalent de 300 km pendant un Grand Prix. Et de son côté, ça a été très difficile, puisque en démarrant sur des pneus durs, je pense que Red Bull s'attendait à ce qu'il fasse une stratégie décalée, mais on l'a arrêté assez tôt, quand on le compare à d'autres pilotes qui ont eu une stratégie inversée, s'arrêtant au 18e tour pour chausser des pneus médiums, et 12 tours plus tard pour repasser des pneus durs, avec un rythme de course bien en deçà de son coéquipier, une moyenne 1 seconde 3 sur les meilleurs tours, ce qui est vraiment terrifiant. On a pu entrer un petit peu plus en détail dans l'émission Popol, que je joindrai en description, pour comparer les tours de qualification, où on voit que Lawson est toujours en train de surpiloter, et si il semble à son aise pour justement pousser la voiture à son maximum tout cela, il semble très clair que ce n'est pas ce dont la Red Bull a besoin et que ce n'est pas comme ça qu'il faut la prendre en main. Mais j'ai très hâte que Red Bull envoie un troisième pilote différent en l'espace de quelques mois venir se casser les dents dans cette voiture pour que l'on voit comment il ne faut pas la piloter. Pour voir comment il faut la piloter, il faut regarder les caméras embarquées de Maximus Verstappenissus, toujours optimal dans le rendement de cette Red Bull Racing Honda RBPT RB21, qui très clairement, à mon humble avis, n'avait pas sa place devant les Ferrari ce week-end. Une partie du pourquoi s'expliquera quand on viendra dans quelques instants sur les Ferrari, mais tout d'abord, cela s'explique par une très bonne gestion de course de Verstappen, prenant son mal en patience en début de course et misant tout sur sa gestion pneumatique, et sur un Hamilton en difficulté et sur un Charles Leclerc handicapé d'une moitié de voiture pour revenir en quatrième place en fin de course. Quand on a des pilotes comme Hamilton ou Verstappen qui par le passé ont banalisé l'excellence, ça fait pas de mal de les revoir exceller dans le peloton pour rappeler vraiment la différence qu'il y a entre un très bon pilote et un excellent pilote. Haas a enchaîné consécutivement un de ses pires week-ends de son histoire avec l'un des meilleurs week-ends de son histoire. Pourtant, tout n'était pas rose avec la 11e et 17e place de leur pilote sur la grille de départ. Même s'il y avait quelques belles étincelles montrées lors du sprint, on ne s'attendait pas à ce que la Haas puisse autant bien performer pendant la course. Quoique, on dira, si on est mauvaise langue, que Haas a passé 3 jours sur 3 lors des essais privés à tester ses longs relais. La voiture semble toujours en difficulté dans les virages à moyenne haute vitesse, Mais le fait qu'ils ont un châssis capable de bien conserver ses pneumatiques, quelque chose qu'on n'aurait pas dit il y a encore tout juste 2 ans, a grandement aidé Esteban Ocon à exceller pendant une quarantaine de tours sur ses pneus durs, et Oliver Bearman a excellé pendant le premier tiers de course, pendant la première moitié même, sur ses pneus durs, à remonter dans le peloton avec une belle lutte face à Lance Stroll. Et je pense qu'on a là un des duos les plus complets du milieu de peloton, alors que franchement, Oliver Mann est encore un pauvre rookie, ose-je dire, mais il a énormément d'expérience avec l'équipe Haas, il a déjà beaucoup roulé, et je pense qu'il a prouvé l'an dernier qu'on pouvait déjà compter sur lui dans les situations un petit peu difficiles. Et je trouverais criminel de passer sous silence le dépassement de Ocon sur Antonelli, car c'est le genre de manœuvre qu'on voit très rarement en Formule 1. Oui, il a seulement mis 2 roues dans l'herbe, pris le risque de tout perdre sur une manœuvre pour aller chercher un pilote qui défendait ardemment. Je rappelle que ces petites fusées que sont les Formule 1, il en faut pas beaucoup pour les faire décoller, et c'était très risqué de vouloir s'y aventurer, ça ne rend la manœuvre qu'encore plus belle. Et ce que je trouve encore plus magnifique, c'est que si on avait mis Verstappen, Ocon même, ou je ne sais qui d'autre, Lance Stroll à la place d'Antonelli, on aurait gueulé sur le pilote en question pour avoir bougé de manière trop dangereuse en ligne droite. Mais bon, c'est un enfant, on peut lui pardonner. Et alors que je parle des énormes baloches d'Esteban Ocon, je vais enchaîner par les énormes baloches d'Alexander Albon qui continue de traîner un petit peu sur le bureau de son équipier Carlos, car c'est une nouvelle fois un Alex Albon au sommet de son art que nous avons vu ce week-end. Le passage en Q3 semblait totalement désespéré pour les Williams et il a réussi à y conduire sa FW47 avec brio. Car si on les compare sur le rythme pur, Sainz est à seulement, dira-t-on, 15 centièmes, 20 centièmes de son coéquipier pour le moment. Les mauvaises langues diront qu'on en attend beaucoup plus de Carlos. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus énorme. Faut lui laisser encore un petit peu de temps parce qu'il semble avoir du mal à exploiter la Williams à l'heure actuelle, il l'admet, mais quand on regarde le rythme de course, il y a une nette différence entre les deux. Là, il y a plus de 5 dixièmes d'écart sur leur meilleur temps en course, et on est sur des stratégies relativement similaires. Et je continue de me délecter de ce duel chez Williams, car j'en attendais un petit peu, mais j'avais peur d'être déçu, et finalement, j'en suis ravi à l'heure actuelle. Un autre pilote a profité des disqualifications, c'est Lance Stroll, qui termine donc 9e, marquant 2 nouveaux points pour Aston Martin. Alors sur le papier, c'est un excellent résultat. Sur le papier, toujours une bonne stratégie bien exécutée, avec un long relais de 35 tours en pneus durs. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être frustré par ce résultat, car beaucoup vont justement encenser le résultat de Stroll, car c'est un fait qu'on attend tellement peu de ce pilote que dès l'instant qu'il marque des points, c'est un miracle. Mais je dois admettre que j'étais très gêné de le voir se faire mettre à l'amende par Oliver Mann pendant la course, Oliver Mann qui était sur la même stratégie. Et là, je sais que c'est très difficile de tirer des conclusions sur un peloton aussi serré. Je me trompe peut-être totalement, mais j'ai du mal à me dire qu'une Aston Martin soit en dessous d'une Haas en termes de performance. Mais comme pour l'Australie, il faut être là pour ramasser les points, ce qu'il a fait. Quant à Alonso, c'est un week-end fort décevant puisqu'il n'a pas été en mesure de confirmer les belles promesses qu'il affichait samedi en disant que le rythme de course serait bien meilleur que celui de la qualification puisqu'il a été victime d'un problème mécanique en début de course. Alors on a parlé des grosses baloches de Ocon, des grosses baloches de Albon, et ben on va parler des baloches bien mordues chez Racing Bulls ce week-end parce que encore une fois, on a affiché un rythme splendide, 7e et 9e place en qualification pour Hajar et Tsunoda, et au drapeau à damier, après les disqualifications, c'est 11e et 16e. C'est très, très frustrant. Cela s'explique très simplement par le fait que chez Racing Bulls, on a été naïvement suivre la stratégie Pirelli en allant faire un second arrêt, alors que les autres ne se sont pas arrêtés. Et pour ne rien arranger, il y a eu une défaillance très étrange de l'aileron avant de Tsunoda qui s'est détaché. Très étrange parce que il n'y a pas eu de contact à première vue. Et surtout, ce sont des pièces qui sont relativement standardisées. Donc voilà, c'est, C'est assez inattendu. En tout cas, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que Isaac Hadjar soit aussi proche de Tsunoda, que ce soit sur un tour ou en rythme de course. Parce que quand on regarde sur le papier, le début de course a été un petit peu plus difficile pour le pilote français. Mais sur le reste de la course, ça a été très très bon. Et finalement, sa plus grande difficulté a été le départ, perdant 2 à 3 positions de mémoire. On ne peut pas lui en vouloir non plus, c'est pas un endroit facile Shanghai sur le premier tour, il faut savoir bien se placer. Mais pour le coup, je suis vraiment positivement étonné. Et quant à Tsunoda, je vous invite à noter l'avis que vous avez sur lui actuellement et de le relire dans quelques Grands Prix si par malheur il finit chez Red Bull. J'aurais dû vous dire de faire ça aussi pour Lawson, parce qu'encore une fois, aux Pays-Bas 2023, quand on remonte là-bas, c'était pratiquement lui qu'il fallait tout de suite mettre dans la Red Bull à la place de Perez. Donc voilà, instant du culture de l'instant, tout ça, tout ça. Un autre pilote qui continue à me surprendre agréablement, c'est Jack Doohan dans l'Alpine. Même s'il était un petit peu en difficulté sur la gestion pneumatique, on voit qu'il a eu un très bon rythme comparé à celui de Gasly sur le rythme de course. Il y a juste un millième sur leur meilleur tour à tous les deux, qui étaient d'ailleurs tous les deux sur la même stratégie. En qualification, pareil, il y a tout juste un dixième entre les deux. Donc, sincèrement, je pense que dans le clan Colapinto, on va peut-être commencer à angoisser un petit peu plus que prévu à l'idée de commencer la saison dans l'Alpine. Pour l'Émilie-Romagne, je crois que c'était plus ou moins prévu. En tout cas, Doohan, il fait ce qu'il faut pour le moment. Alors que j'ai mon chat qui donne des coups de tête dans le micro parce qu'il veut des câlins. Dégage. Pardon, excusez-moi, je suis violent. On notera tout de même à mettre à son discrédit des erreurs. Et par erreur, j'entends essentiellement en roue contre roue. Ça a été très agressif, parfois pas très utile, je pense. Mais bon, on reste sur un jeune pilote qui apprend et surtout un jeune pilote qui a énormément pression sur les épaules et qui a désespérément besoin de montrer qu'il mérite d'être là. Donc, sincèrement, je l'excuse 1000 fois pour ses erreurs pour le moment, parce que quand il est question de rythme, je pense qu'on peut rien lui reprocher. Et je n'en dirai pas beaucoup sur Pierre Gasly, car il a clairement aussi fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, donc beaucoup avec pas grand-chose, si je puis dire. Parce que voilà, il a eu quelques petites luttes sympathiques, mais dans tous les cas, c'était des luttes perdues d'avance. Chez Kicksauber, c'est un week-end également à se mordre les baloches, parce que clairement, ils ont 2 bons pilotes dans leur voiture. Ils ont une voiture qui aurait potentiellement pu aller taquiner de la Haas, par exemple, mais ça a été finalement n'importe quoi, avec un Gabriel Bortoleto qui nous a fait une Mazepine au départ, dans le premier tour, en se mettant dans le gravier, ce qui lui a totalement détruit sa course. Et ensuite, il a démontré un très bon rythme, et globalement, et c'est là où je vais plus taper sur son coéquipier, un meilleur rythme que Nico Hülkenberg en course, et ça se voit. Mais aussi, cela s'explique par le fait que Hülkenberg a subi des dommages à son fond plat. Alors on dira « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh ben, Hülkenberg, comme Bortoleto, s'est foutu dehors. C'est juste que vu que c'était moins impressionnant, je crois pas qu'on l'ait vu à la réalisation. En tout cas, il a souffert lui aussi de gros coups de survirage. Dans les deux cas, les deux pilotes n'ont pas particulièrement blâmé la voiture ou quoi que ce soit de bizarre. Donc, on va partir du principe que c'est une coïncidence que ce sont les deux coéquipiers qui ont fait les mêmes erreurs plus ou moins au même moment de la course, parce que Hülkenberg en a eu 2. Une fois à la sortie du premier escargot et un petit peu après là où Bortoleto s'est sorti. Donc voilà, c'est pas glorieux pour l'équipe parce que Hülkenberg avait fait une très bonne qualification en se plaçant sur la grille en 12e place. Il y avait de l'espoir et finalement il n'y a eu que du désespoir. Ok, alors on a fait McLaren, on a fait Mercedes, on a fait Red Bull, on a fait Haas, on a fait Aston Martin, on a fait Williams, on a fait Racing Bulls, on a fait Alpine, on a fait Kicksauber. Il manque qui ? Ah oui, les Ferrari ! C'est vrai, j'avais oublié qu'elles étaient là ce week-end. Alors qu'on sort d'une saison 2024 où on a montré qu'on était capable de reprendre les choses en main avec un bon opérationnel chez Ferrari, les 2 premières courses de 2025 viennent remettre tout cela en question. Espérons que ce sont là aussi des coïncidences coup sur coup. J'ai tendance à penser que cette SF-25 est assez capricieuse, même si tout au long du week-end on a vu les performances plus ou moins fluctuer globalement. Le fait que Ferrari soit autant fluctuant en termes de niveau dans la hiérarchie, autant à Melbourne qu'à Shanghai, me fait vraiment penser qu'il y a une phase d'exploitation optimale de la Ferrari qui est excellente, mais qui est très difficile à trouver et à obtenir, parce qu'on a vu Hamilton très à l'aise ce week-end. Et lorsqu'est venu le moment de la course, Leclerc, qui n'était pas du tout à l'aise tout au long du week-end, a été le pilote qui s'est retrouvé le plus à son avantage, qui s'est montré très agressif, qui est bien remonté sur Russell lorsqu'il a pu se débarrasser de Hamilton. Pourtant, il y a eu une chute dramatique à cause d'une usure pneumatique. Alors, usure pneumatique qui, je pense, n'a pas été aidée par un dégât qu'il s'est plus ou moins lui-même infligé au départ sur son aileron avant. On rappelle que à Shanghai, on a pas mal de virages rapides à droite. Le dégât sur l'aileron avant étant à gauche, je pense que ça a vraiment pas aidé l'usure pneumatique. Mais aussi peut-être que le département aéro de Ferrari sera amené à se poser des questions sur pourquoi le fait d'arracher un morceau de aileron ne coûte pas tant de points de performance que cela, alors qu'en théorie, si on en croit ce qu'on disait à la radio, c'était 20-30 points de perf en moins, cette partie de l'aileron en moins, donc ce qui est supposé être énorme, visiblement pas tant que ça, ou alors Hamilton avait 1,5 seconde dans sa voiture pas cassée qu'il n'a pas été capable de trouver, ce dont je doute grandement. On peut voir très clairement sur les diagrammes en boîte que Hamilton a été le plus rapide des deux et de très loin, mais la différence, c'est que Hamilton a bénéficié de pneus neufs sur la fin de course et je pense que ça fausse énormément les deux graphiques. J'aurais bien demandé à Strigoun de faire des graphiques comparatifs, tout ça, entre tel et tel tour, mais j'y ai pas pensé et j'ai pas envie d'aller lui reparler juste pour ça parce que je l'aime pas. Mais lui dites pas parce qu'après il va arrêter de travailler gratuitement. Mais bon, en tout cas, ça a fait plaisir de voir Hamilton commencer à être vraiment performant dans la Ferrari, même si c'était pendant un sprint. J'admets que pour la première fois depuis 2-3 ans, j'ai regardé un sprint, mais c'est parce que c'était le début de saison et qu'il y a plein de trucs qui ont changé par rapport à l'année dernière. Les rookies, les transferts, tout ça, donc forcément, ça m'a rendu curieux. Et fondamentalement, je reviens à peu près aux mêmes questions. Ouais, c'est cool, mais ça sert à quoi? On a beau y ajouter des points ou tout ce qu'on veut, je trouve ça chiant. Pas chiant, parce que c'est 19 tours, c'est très peu. C'est juste quand ça commence à devenir intéressant, ça s'arrête. Donc c'est dommage. Mais bon, je suis peut-être trop vieille école à plus ou moins accepter que la beauté de la Formule 1, c'est que ce soit pas spectaculaire et que le spectaculaire soit de l'exceptionnel et pas de l'ordinaire. Mais bon, ça, c'est peut-être le vieux moi qui dit ça. Au final, c'est un peu comme ces débriefs. C'est chiant. À quoi ça sert? Pourquoi vous m'écoutez? Je sais pas, mais je vous en remercie quand même. Des bisous, à très bientôt sur Snapchat, et au revoir.